cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أخذنا أمس القاعدة الرابعة في الأسماء وهي دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن وبالالتزام. فما معنى المطابقة هنا؟ دلالة المطابقة نعم دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له. ما معنى هذا؟ لفظ البيت. أحسنت. لفظ البيت دلالة المطابقة أي هذا اللفظ يشمل كل ما دل عليه هذا الاسم. سأقلب تو تسكفو بوان بيت. هذه دلالة مطابقة. التضمن ما معنى هذا؟ دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له. فهذا اللفظ أي لفظ البيت مثلا يتضمن une partie du بيت. Si un بيت automatiquement c'est qu'il y a des murs. Si un بيت c'est qu'il y a des fondements. Si un بيت c'est qu'il y a un toit. وهكذا. أي هذه دلالة التضمن. والالتزام ما معنى دلالة الالتزام؟ أحسنت. دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لازم له. ما معنى هذا؟ دلالة اللفظ على أمر خارج. أولا هذه الدلالة دلالة الالتزام سبيت كلك شوز دكستيريور أسو اسم. مثلا البيت دلالة الالتزام سبيت كلك شوز دو خارج. On va plus parler du بيت directement أو ce qu'il y a dans le بيت. لا c'est une chose extérieure. قال عن معناه لازم له. لكن cette chose extérieure elle est لازم. Elle est liée avec la maison. Maintenant, on avait dit le maçon. Ça implique le bait qui avait un maçon. Dalalat al-iltizam. Hadi al-israhat mafhouma. Baqiya tatbiq hadi hada al-kalam fi ism min asma'illah kama hiya al-qa'ida. Fa mathalan ism as-sami'. Hada al-ism salaf as-sami' mazkur fi al-Qur'an. Qui c'est qui nous explique dalalat al-mutabaqa fi hada al-ism? La on est fi dalalat al-mutabaqa. أحسنت. يدل على ذات الله عز وجل أن السميع من أسماء الله أولا. زد تضمن على صفة السمع. نعم. وكذلك هذا اللفظ يدل أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة السمع. دلالة المطابقة الاسم والصفة ودلالة التضمن سبادونيكوا في اسم السميع. دلالة التضمن سبادونيكوا نعم أي tu cites une partie فقط. Si on te demande دلالة التضمن في اسم السميع tu dis مثلا ça prouve ça montre que الله il a صفة السمع فقط. والالتزام استجيب على أحسنت. يستخدم السميع كلا القدرة عز وجل، لأن السيلون تنتو سيكلا لا كاباسيتي. القاعدة في الحقيقة سهلة. في البداية يا دي مو إترانج، ربما la première fois que tu les entends au début ça paraît un peu compliqué. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله وقول رسول إمامكم وقول رسول الله أو قول الرسول، قال وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. شغل تيمين الآن يسيت الفائدة سابقا نبغيك الأسماء والصفات، لكن il en a profité dans cette qaïda de citer ce point important وهي مسألة لازم القول، لأن Shoukna Tamin il a parlé dans le qaïda de Iltizam. Aïe, un attribut, ça implique des choses. On a dit, sifat al-sami' ça implique qu'Allah il a du ilm, qu'Allah il a le qudra. Al-An, Shoukna Tamin il continue à développer cette qaïda et il cite cette faïda. Anna lazim al-qawl. Lazim al-qawl, ça veut dire, tu dis quelque chose, ça peut impliquer des autres choses. C'est ça l'azim al-qawl. Mathalan, Wahid il dit, on lui dit, lis ce livre, Qawaid al-Mutla. Il dit là, ça peut impliquer des choses. Ça peut impliquer qu'il n'a pas confiance en Cheikh Ibn Uthaymeen. Ça peut impliquer qu'il n'a pas le temps. Ça peut impliquer qu'il déteste le shir. Ça peut impliquer qu'il a un autre tarse. Enfin, s'il nous dit, on lui dit, lis ce livre, ya akhi, ou assiste à ce tarse, il nous dit là, ça ne veut pas dire qu'il déteste le shir. Ça peut être ça et ça peut être autre. C'est ça l'azim al-qawl. Enfin, le qawl, une parole, elle implique des choses. Cheikh Ibn Uthaymeen, il va citer ce mas'ala, elle est importante, dit elle est importante dans beaucoup d'ulum. Et il va partager cette mas'ala en deux catégories. Lazim qawlillahi wa rasul, les paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'implication, on va voir qu'elle est haq. Et lazim qawl ghayr al-rasul, al-bashar, à part les prophètes. Tu vas avoir deux cas. لازم قول الله عز وجل وقول الرسول كما قال شيخ ابن تيمين إلي حق، لأن قول الله وقول الرسول حق. C'est pour ça que شيخ ابن تيمين قال إذا صح أن يكون لازما. Bien sûr. مثلا on entend une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique une chose, elle implique une chose, la chaque que cette chose c'est حق. Si le لازم il a sa place. مثلا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الله سبحانه وتعالى ce verset qu'on a cité c'est sa parole, ça fait partie de كلام الله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Et si un fasiq il vous informe d'une chose, فتبين, fais attention, renseigne-toi, accepte pas tout, peut-être qu'il dit حق, peut-être qu'il ment. L'Ena c'est un fasiq, c'est pas une personne de confiance. Al-An, ce qawl, ce kalam, il a un lazim. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ça implique que si c'est une personne de confiance, t'acceptes. C'est une personne pieuse. Il est connu. Indala, il vient et nous dit As-san'a yukada. On le croit. Le asl, c'est qu'il dit la vérité. Donc, on reste sur cette vérité, sauf si on a une preuve qui s'est trompé. Léana, la personne de confiance, il n'est pas infaillible, il n'est pas maçon. Enfin, on accepte sauf si on a un délit. Ce lazim l'an, il est véridique. Limada, Léana, c'est kalam Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé, Azza wa Jal, la shak an Allah il est alim. Il sait ce que ça implique. Et le fait de savoir ce que ça implique, c'est haq. Léana, Allah subhanahu wa ta'ala, qawluhu haq. Et c'est lui le haq. Allah ne peut pas citer un verset et ça implique quelque chose de faux. Le fait que ça implique quelque chose de faux, c'est du naqs. Et Allah il est mutanazzi' anil naqs. Walillah il mathalu al-a'la. Hakadha ar-rasul alayhi salatu wasalam. Si il dit une chose, ce que ça implique, c'est haq. Limada? Li'anna ar-rasul il est appuyé par la révélation. Un hadith sahih, s'il implique une chose, c'est haq. Tant que cette chose, cette implication, elle est correcte. Amma wahid, il nous cite un hadith et il nous dit ça implique ça, quelque chose de ba'id, là. Ça, c'est kalam Allah wa kalam al-Rasul. Baqiya, kalam al-Bashar. Al-Lazim, est-ce que ça va être forcément haq ou forcément la parole de la personne, là? Maintenant, un frère, on lui dit, viens à Dommage. Il nous dit là, est-ce que ça implique qu'il déteste Dommage? Là, ça implique pas ça. Sauf si on lui demande, il nous dit naam, je viens pas à Dommage parce que je déteste Dommage. Al-An'am, il a montré. Amma, on prend de son kalam l'implication qu'il déteste parce qu'il n'est pas venu là. Et Anna, peut-être il n'est pas venu parce qu'il est occupé. Peut-être il n'est pas venu parce qu'il n'a pas la possibilité. Peut-être il n'est pas venu parce qu'il veut aller dans un autre endroit. Enfin, ça n'implique pas qu'il déteste le makan. L'azim, qawl al-bashar, c'est pas qawl al-bashar. Maintenant, une personne vient et nous dit, moi je sais que Foulan, il déteste Dommage. On lui dit pourquoi? Il dit, les Anna, je lui ai dit de venir à Dommage, il m'a dit non. Est-ce que son corps, il est ça, Anna Foulan, il déteste Dommage? Là, il n'a pas de preuve à la Anna. Là, il a pris ça du lazim de son corps. Sa parole, elle peut impliquer ça et elle peut impliquer autre. Ça fait qu'à la menace, t'as pas le droit. C'est un khatah. Tu t'expliques ou t'interprètes sa parole et tu conclus. Ouais, Foulan il dit ça. Là, il a jamais dit. C'est l'implication, c'est autre chose. Fal Bashar, qui n'est pas appuyé par le wahi, autre que le prophète, si il dit un qawm, ça implique une chose. Cette implication, on ne dit pas c'est son kalam. Sauf dans un cas, si il accepte. Il dit matala na'am. J'ai dit que je ne venais pas à Dommage parce que je déteste Dommage. Et Adelhar, on dit Foulan, il n'aime pas Dommage. Amma, si, il ne dit pas là, on n'a pas le droit. Il y en a un qui a dit ça par énervement. Moumkin, il s'est trompé. Il voulait dire Na'am, je viens, il s'est trompé. Il a dit, je viens pas. Sabq al-Lisan. Contrairement à la parole d'Allah et à la parole du prophète, les Anna, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il ne peut pas se tromper. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas dire une parole qui n'est pas à sa place. C'est pour ça que l'implication de la parole d'Allah, elle est haq. Amma al-Bashar, là, il y a des personnes, des fois, ils disent des choses parce qu'ils sont énervés. Dès que tu le conseilles, il dit, ah, sahih, j'aurais pas dû dire ça. Il y a des personnes, ils disent des choses parce qu'ils oublient. Il a dit un kalam, il a oublié. Il a oublié ce que ça impliquait. Si tu le cites, il y a akhi, il t'a dit ça, c'est grave. Ça implique kala, l'achat qui va dire là. Farrik entre qawlillah et qawlir rasul et qawl al-bashar. Fima yata'allak bi al-lazim. Ça, c'est mohim. Et tout ce qu'on va lire là, hein, Cheikh Ibn Taymiyyah, il va expliquer hada. C'est mafhoum. On répète. قال واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح يكون لازما فهو حق. On a donné l'exemple. Bien sûr, avec ce qu'il dit, إن صح أن يكون لازما. قال وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق. Contrairement à une personne du commun qui ne reçoit pas la révélation, son kalam il n'est pas toujours haq. Il peut se tromper, il peut mentir, il peut dire du kufr, il peut dire une bid'a, qui qu'il soit, personne n'est infaillible. Enfin, son lazim il n'est pas forcément haq. Qala wa li'anna Allah ta'ala alimun bima yakun laziman min kalamihi wa kalam rasulihi fa yakun murad. Et c'est ça la différence. Anna Allah il est muttasif bi sifat al-ilm. Il sait tout. Et il sait le kalam, ce qu'il va impliquer. Fali hada kalam Allah, il est parfait. Il sait, Azza wa Jalla, ce que ça implique. Et ce que ça implique, c'est haq. Il y en a celui qui a parlé, c'est le haq. Allah Azza wa Jalla. Amma kalam l'insan, là. Ahyanan, on dit des paroles, ça implique des choses khata. ما ندري. Dès que t'es conseillé, ya akhi, t'as dit ça, on a compris ça, tu dis là. Là, là, là, j'ai pas voulu dire ça. Moi, mon qasd, mon intention, c'était de vous expliquer kada. Hada. Ça, t'estafid minou jiddan. Kathir min al-fitan al-hasila, ba'd al-nas, ils comprennent pas ça. Ils entendent le kalam d'un sheikh, il dit kada. Pour eux, ça implique des choses. Alors que le sheikh, il est bari. Min hada. Qala. Wa amma al-lazim min qawli ahadin siwa qawli Allahi wa rasoulihi. On a compris al-lazim min qawlillahi wa rasul il est haq. Tant que c'est un lazim, sahih. Ça, il n'y a aucun problème. Autre que Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois cas. Nous, on a cité Mujmalan et Cheikh Ibn Taymiyyah, un, il va les détailler. Qala al-oula, premier cas. An yuzkar lil-qa'il wa yaltazim bih. Aïe, une personne, elle dit une parole. Cette parole, elle implique quelque chose. Et nous, on lui dit, Akhi, t'as dit ça, et ton kalam, ce que tu viens de dire, ça, on comprend, ça implique telle chose. Il dit, na'am, c'est ce que j'ai voulu dire. Fafi Adelhal, son lazim, c'est son compte. Fafi Adelhal, on peut dire, Fulan, il a dit ça. L'Emna, il a admis. قال شيخ ابن تيميه مثل ان يقول من ينفي الصفات الفعليه لمن يثبتها يلزم من اثباتك للصفات الفعليه لله عز وجل ان يكون من افعاله ما هو حادث. شيخ ابن تيميه يدون cet exemple في الصفات. الصفات الفعليه on va voir c'est quoi. اي c'est une action. مثلا النزول. الله يدسون عز وجل. الله سبحانه وتعالى يدسون chaque nuit. Le dernier tiers de la nuit, comme a dit Abi Huraira fi Sahih. Cette parole de cette personne, on peut lui dire, comme a dit Jumu'at ayakun min af'ali ma huwa hadith. Ta parole, ça implique qu'Allah, il fait des choses nouvelles. Al-hadith, c'est quelque chose de nouveau. Fahada, ça implique la parole, le fait de dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a de ce fait fi'liya. Il fait des actions, il descend chaque nuit. Ça veut dire que dans une semaine, il va descendre à Al-Zawajim. Ça va être un fi'l, comme a dit le Daimin, hadith, nouveau. Qala fayaqul al-mutbit, na'am. Celui qui a cette aqidah, aqidah al-sunnah, il va dire na'am. Al-an, son lazim, c'est son qawm. Cette implication, c'est sa parole. On dit Fulan, il a dit ça. لأن إلا أدمي قال شيخ العثيمين وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعال لما يريد ولا نفى لأقواله وأفعاله كما قال تعالى. Cette personne, il va citer des adillas pour montrer son qawl, que son qawl c'est sahih. Il a dit, il croit aux sifat fi'liya. Contrairement, on va voir aux ash'a'ira ou mu'tazila, ils ont tous c'est il croit pas en ce fait, c'est une chose qu'Allah, il y a une action, il fait. Azza wa Jal. Matalan al-Nuzul, il va le faire cette nuit, il l'a fait hier. Azza wa Jal. Cette personne, elle, il va argumenter son qawl. Il va dire, na'am, Allah, il fait ce qu'il veut. Fa'alu lima yurid. Fait ce qu'il veut quand il veut. Azza wa Jal. Il va citer le dalil, qala kama qala ta'ala, qul law kana al-bahru midadan, bi kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, wa law ji'na bi mithlihi madada. Aïe, ça montre que Allah, il parle quand il veut. Contrairement à Ash'ari. Ash'ari, il a une aqidah. Allah, il est qadim. Allah, il a parlé une fois et c'est tout. Il ne parle plus maintenant. Mais on dit là. Allah, il a donné un mithal sur la Al-Kahf. Anna, si l'océan, ça serait de l'encre. L'encre, elle ne suffirait pas. Ça montre que le kalam, il est kathir. Titan. Dans le deuxième verset, قال ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Deuxième exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le Coran. Si les arbres, tous les arbres de la terre, ça serait des plumes, ça ne suffirait pas à écrire les paroles d'Allah. Ça montre que le kalam il est kathir. Allah il parle quand il veut. Lazim de ce qu'on est le haq. Et la personne il l'a accepté. Donc le premier cas on dit c'est la parole de Fulan. Ça a impliqué ça, il a accepté. Enfin, on peut dire que Fulan il dit la chose qu'il a cité sur le côté. Si vous n'avez pas compris tout le mital avec le kalam, avec l'af'al, ça. Une personne est d'une parole. Sa parole, elle implique quelque chose. On lui montre, on lui dit, « Ya akhi, t'as dit ça, ça implique telle chose. » Il dit, « Naam, c'est ce que je voulais dire. » Enfin, le lazim, l'implication de sa parole, c'est sa parole. C'est le premier cas. « Qal sur le taïmin wa hudus, ahadi fi'lihi ta'ala, la yastaljim naqsan fi haqqi. » Naam. Le fait de dire que Allah il fait des choses nouvelles, ça ne veut pas dire que c'est une faiblesse. Abadan. Ça ne veut pas dire maintenant Allah il va parler à Azza wa Jal demain. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'a pas eu la qudra. Abadan. Illa inda ahl al-bida wa al-dhalal. C'est pour ça qu'ils ont rejeté hala. Amma nahnu dit là. C'est une sifat kamal. Allah il l'a fait quand il veut. Al-hal al-thaniya. Al-hal al-thaniya. Deuxième cas. Qala an yadhkur lahu wa yamna al-lazim baynahu wa bayna qawlih. مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته مثلا une personne il dit أنا j'ai العقيدة أدى الله إلى دوما une personne il lui dit أخي اتق الله ça implique ce que tu dis qu'Allah il ressemble à la créature il y en a la créature l'être humain il a deux mains Si c'est un sunni, il va dire Abadan. Il va dire moi je dis qu'Allah il a deux mains, lakin ça implique pas que je crois que ces deux mains sont comme la créature. C'est toi qui as rajouté Abadan. À Mana, j'ai dit Allah il a deux mains, c'est tout. Ces deux mains ne sont pas comme les mains des créatures. Enfin, le lazim l'an il est batil. Et la personne il le rejette. Enfin, tu ne peux pas dire Fulan il dit qu'Allah il ressemble à sa créature. Al-Mubtadi'a, Al-Dhullal. Ils critiquent Ahl al-Sunnah, ils disent Ahl al-Sunnah, Atba' al-Salaf, c'est des Mushabbiha. Alors que Ahl al-Sunnah, ce n'est pas des Mushabbiha. Ils sont basés sur quoi? Ils ont compris. Ahl al-Sunnah, ils disent Allah, il entend, il voit, il a un visage, il a des mains. Ils ont compris avec leur raison, qui n'est pas en accord avec le Kitab al-Sunnah, ils ont compris. Ahl al-Sunnah, ils disent qu'Allah, il ressemble à la créature. Personne n'a dit ça. C'est toi qui as compris de notre parole cette implication. Face deuxième cas, on ne peut pas dire Ahl al-Sunnah, c'est des Mushabbiha. L'Anna le lazim, il le rejette. Il dit c'est faux. قال الشيخ ابن تيمين أن يذكر له ويمنع اللازم بينه وبين قوله نعم ça c'est le contraire du premier cas le premier cas il accepte l'implication le deuxième cas il l'accepte pas لماذا لأن elle est fausse قال مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته فيقول المثبت donc celui qui a dit مثلا الله il a deux mains il va répondre Il va répondre à celui qui lui dit « Ton kalam, il implique qu'Allah il ressemble aux créatures. » Il va lui répondre « La yalzam dhalik. »« Lianna sifat al-khaliq mudhafa ilayh. »« Lam tudkar mutlaqa hatta yumkin ma alzam tabi. » Naam. Lianna on dit « Allah il a deux mains. » Et on sait qu'Allah il ne ressemble pas aux créatures. Enfin, la chèque que les deux mains ne ressembleront pas aux créatures. Maintenant, on aurait dit deux mains, comme ça. Naam, on aurait pu dire deux mains de qui? D'un être humain, d'un homme, d'une femme. Là, on a dit deux mains d'Allah. Enfin, ça n'implique pas, abadan. Il y a une personne, il ne veut pas le haqq. Qala wa ala hada. Fatakoun muqtassa bihi la'iqatun bih. Naam. Quand tu cites un attribut d'Allah Azza wa Jal, enfin, cet attribut, il est réservé à Allah. On dit maintenant, moi j'ai une conviction, une aqida, Allah il a un visage. Et on cite le verset, « Wa yabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram. » Est-ce que ça va impliquer que c'est comme le visage du créature? Là, Léana, j'ai dit « wajhu rabbik », j'ai cité le verset. On parle du visage d'Allah. Allah il ne ressemble pas au créature. Enfin, ça n'implique pas ça, abadan. Illa inda ahl al-dhalal. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات؟ Et ça c'est une réponse قوي de la part de Cheikh Ibn Taymiyyah. Cheikh Ibn Taymiyyah il dit toi-même, tu penses que le fait qu'on attribue à Allah les mains, le visage, ça fait ressembler à la créature, toi-même tu dis qu'Allah il a un ذات. Ou toi-même tu dis qu'Allah il est موجود. Ou toi-même tu dis qu'Allah il est حي. Que ça implique qu'Allah il est vivant, c'est comme la vie de la créature. Il va te dire là, tu lui dis que Allah il a deux mains, ça implique pas que c'est comme les mains des créatures. Enfin, les mains dans ce cas de la vie, t'as accepté, dans le cas des deux mains, t'as pas accepté. Les mains. Il va te dire la créature elle a deux mains, tu lui dis la créature elle a une vie. les insectes, les animaux, les êtres humains, ils ont tous une vie. Là, la vie de cette créature, elle a une faiblesse, elle a été précédée par le néant, et elle aura une fin, elle va mourir. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, là, il n'est pas précédé par le néant, et il ne meurt pas. Azza wa jalla. Les mains, c'est nafs al-shay. Les annas, si tu dis ça pour le dhat, ça va avec ce fait. C'est la même chose. Quand tu différencies, hada, c'est un kalam qawm. La première hala, le lazim il est haq, il l'a accepté. La deuxième hala, le lazim il est batil, il l'a rejeté. Dans le premier cas qu'on a cité, on dit le lazim de la personne c'est son qawm. Dans le deuxième cas, là, on ne dit pas ce sunni c'est un mouchabbé. L'imada, l'yanna il a dit Allah il a deux mains, ça implique que c'est les mains de la créature. Il n'a jamais dit ça. C'est toi qui as mal compris et lui il rejette ce lazim. Donc, premier cas, il l'a accepté. Aïe, l'implication, Al-Lazim. Deuxième cas, il l'a rejeté. Al-An, le troisième cas, il se tait. Il n'accepte pas, il ne rejette pas. Enfin, premier cas, il accepte, on dit c'est sa parole. Deuxième cas, il rejette, on dit c'est pas sa parole. Et c'est ça, yani, qui est important, Al-An, s'il se tait. قال الشيخ ابن تيمين أن يكون الحال الثالثة يجوز الحال يجوز الحالة لا يشكل عليك أن الثالثة إلى مؤنث إلى بدي الحال الثالث لأن الحال تبدير الحالة الثالثة تبدير الحالة الثالثة قال أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل. Troisième cas, il dit une parole et ça implique des choses. Laquelle on ne sait pas. Maintenant, il est mort le frère, ou la personne, ou il a voyagé, ou il est avec nous, laquelle il ne parle pas. On ne sait pas si ce lazim, maintenant, il dit une chose. Il y a un qui achète ce livre, il dit non. Ça peut impliquer qu'il n'aime pas l'auteur. Ça peut impliquer qu'il n'a pas d'argent. Ça peut impliquer qu'il a déjà ce livre chez lui. Ça peut impliquer beaucoup de choses. Enfin, il se tait. Est-ce qu'on a le droit de choisir une de ces implications? On dit, Foulan, il a dit ça. On n'a pas le droit. Il dit, non, on ne sait pas. قال فحكمه في هذا الحال أن لا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر لا يلتزم به أو يمنع التلازم نعم إن ذي دو on peut lui citer les applications il dit نعم j'ai voulu dire ça أو on peut lui citer il dit là j'ai jamais voulu dire ça في هذا الحال on dit pas فلان il a dit ça لا قال ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. Et ça montre que l'être humain, il n'est pas infaillible. Peut-être que tu as dit une phrase un jour, et si on vient t'expliquer, on te dit, ah, ce que tu as dit, c'est grave. Il y en a, on peut comprendre ça, ça, ça. Toi, tu dis, astaghfirullah, j'ai pas voulu dire ça. Enfin, ce qu'elle aime, je le retire. Voilà, c'est wadih. Lakin tambihun, la personne, il ne joue pas, bihada. La personne, il ne joue pas. Lian Allah, subhanahu wa ta'ala, ya'lam ma fi soudour. Il y en a marre de nas. Tu lui dis, Matalan, il a dit quelque chose. Tu dis, Akhi, taqallah. C'est un kalam. On peut comprendre kada, kada. Et lui, il a vraiment voulu dire ce mal. Et il se sauve, Minadrebe. Il dit, là, moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai voulu kada. Là, si la personne a fait une erreur ici, il y a astaghfirullah. Il dit, astaghfirullah, sahih, j'avais pas à dire ça. À Maïjou, à chaque fois, il dit ça, non, j'ai voulu dire ça. Non, non, mon but c'était de dire ça. Et il ment. Ah là, il n'ira pas loin. Nahnou Cheikh Ibn Taymiyyah, il parle des personnes sincères, véridiques. Il a dit une parole, il s'est trompé. Ça impliquait des choses graves, il s'est trompé, il revient. Il ferme la porte des vitans. Amma Wahid, il dit des choses graves. Comme on avait expliqué dans la dernière kalima qu'on a fait, le kalam al-mujmal. Il dit kalam mujmal, des paroles globales. Elles peuvent impliquer du bien et du mal. Dès que tu viens pour le conseiller, il dit là, là, moi mon but c'était ça. Là, il y en a le kalam mujmal aslan, t'as pas le droit. Fait digne. Si ça peut impliquer des choses mauvaises, tu n'as pas le droit. Parle bien au dos, haq, clair. Le mukhlis, celui qui est sincère, il ne joue pas avec ça. Abadan. Qala, wa li warud, hadain al-ihtimalain. La yumkin al-hukm anna lazim qawl, qawl. Naam. Bi anna lazim al-qawl, qawl. Naam. On ne peut pas dire. Une personne a dit une parole. Cette parole, elle implique quelque chose. On ne peut pas dire que cette implication, c'est la parole de la personne. Sauf dans un cas. Qu'on a cité, c'est lequel? personne, si on lui demande et il confirme, on dit khalas, Foulan il a dit. En toute tranquillité, il y en a, il a accepté. Amma si c'était là, là. On ne dit pas il a dit ça. Il y en a, demain à l'avenir, il va dire non, moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai voulu dire ça. Et tu vas trouver, te retrouver dans l'embarras. Et tu conseilles s'il s'est trompé. إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم نعم une personne il peut dire mais pourquoi c'est lui qui a parlé il assume sa parole nous on a compris ça il assume c'est lui qui a parlé prochaine fois il fait attention et on dit donc ce que ça implique c'est lui qui a dit une personne il peut dire ça شبنا تيمين قال قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول الذهول أي النسيان الذهول أي النسيان أي لبلي عن اللازم شو نتيمين يقول لا c'est pas correct هذا on peut pas dire il assume et on a compris ça là les gens c'est un être humain il peut se tromper il s'est trompé il s'est trompé il peut avoir dit une kalima il a pas pensé à ce que ça implique beaucoup de gens ils sont comme ça ils pensent pas à ces mots dès que tu lui cites la gravité, il regrette. Tu peux pas dire que c'est son qawl. Sauf s'il l'accepte, toi, il l'a. Peut-être qu'il a oublié. Peut-être qu'il a une rafla. Il a parlé trop vite, il a même pas pensé à ce qu'il dit. خاصةً quand ça polémique. بعض الناس quand ils polémiquent avec des personnes, il y a un dialogue, خاصةً dans des sujets importants, manque de ilm, il perd son sang-froid. Et أحياناً il répond rien pour se protéger lui, il ne sait pas trop ce qu'il dit. Là, ça implique des choses graves. Et le conseil, il lui montre tout ce que ça implique. Et si c'est une personne sincère, il reviendra. Il dit, Anna, j'ai jamais voulu dire ça. قال في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك هذا في الحقيقة سان درس dans le comportement avec les gens quand tu parles pas t'accuses هكذا sans dalil sans burhan tu comprends mal les choses بعض الناس والعياذ بالله il entend une personne dire une chose il a rien compris à ce qu'il a dit il va et dit à des autres Foulan il a dit Foulan je l'ai entendu il a dit et c'est pas vrai et ça fait des fitnes il y a quelque chose qu'on sait Roubama t'as entendu la phrase t'as mal compris ouais il a jamais voulu dire ça le miskin t'aurais été le voir ya akhi j'ai entendu que t'as dit ça et ta parole elle implique des choses graves tu lui cites lui il va dire astaghfirullah il va dire wallah j'ai jamais voulu dire ça afwan et khalas je lui montre le haq on n'en parle plus amma tu prends sa parole tu comprends comme toi tu veux comprendre ce que Cheikh Al-Taymi l'a cité c'est des lazim haq ou des lazim qui sont proches bad nas il entend ta parole tu dis cette chose, elle est rouge, il comprend, elle est bleue. Il n'y a aucun rapport. Il fait des vitales. La yadouz, la personne, yattaqillah, azza wa jal. Hada dars, l'haqiqa, c'est un dars dans al-mu'amala, comportement avec les gens. Al-adl, il a dit une chose, tu prends à la zahir. Et si c'est un frère, il aime le haq, tu conseilles. S'il s'est trompé, bab al-maghvira, il est ouvert, wa tawba. Hakada la personne, le juste milieu. Amma, tu trouves, yada nas, ils ont ifra, toi, ta frère. Tu trouves un autre genre de personne. Voilà où il a entendu des bid'ahs, du kouf, des ma'asi, et ça lui fait rien du tout. Aucun inkar. L'essentiel, c'est que ça ne le touche pas. Nafsi. Aïdouz. Ahl al-ilm, il montre au talib comment se comporter. Khasatan ta'alamoun, on a la parole, c'est pas une chose évidente. C'est pas une chose évidente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhbara anna ba'd al-nas yatakallamoun bil kalima. بعض الناس يتكلمون بالكلمة لا يلقي لها بالا يفبع تنسيون تهوي به في النار 70 خريفة dans notre hadith 70 عام une parole يفبع تنسيون لا يتحرى هكذا يرجم elle le plonge en enfer 70 ans والعياذ بالله une parole بعض الناس ربما il sort de l'islam à cause d'une parole une parole بعض الناس ils ont fait des dégâts ça a été la cause peut-être d'un meurtre la cause d'un divorce une parole la personne il fait attention le kalam il pèse ses mots ma'al qari ma'al ba'id khassatan en tant que talib t'es écouté par ta famille t'es écouté par des frères t'es écouté la personne il fait attention t'es pas tout seul et dès qu'il a un doute tais-toi ahsan comme a dit le Nabi man kana yu'minu billah wal yawm al-akhir falyakul khayran aw liyasmut t'as du khayr parle si t'as des doutes ou si du char tais-toi inshallah tu te préserveras et tu feras pas de mal aux autres hada فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Demain, بإذن الله, on fait la قاعدة الخامسة. هذا إن شاء الله c'est simple. Réviser les trois halat, et بإذن الله c'est pas compliqué. Ça n'a pas directement lien, comme on vous a dit, avec le dars. Sauf les exemples sur l'Utaymin l'a cité avec Sifat Tayyib. Amma, هذا c'est pas réservé au Asma ou Sifat. Là, c'est la parole ce qu'elle implique. Dans tous les cas, même dans le dunya, dans le dîn, enfin réviser. Et Inch'Allah, même si ça ne fait pas directement partie de notre danse, mais Idnillah, c'est un kalam mufid. Subhanak Allah, bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.